Parler de la bataille du George Lac qui a pris fin hier entre les Hurricanes de Mastuyash et les Rapides de Boumsesni. Et pour en parler, on parle avec l'instructeur chef Luc Fortin. Salut Luc. Salut Danny. Luc, est-ce que ça a été aussi dur que tu t'en attendais? À part le premier match, là, ça a été 8-2. Je pense que Mastuyash avait oublié que les séries étaient commencées. Mais à part de ça, est-ce que c'est à peu près aussi dur que ce que tu pensais? Oh oui, Danny. On prenait pas cette série-là à légère du tout. Là, Mastuyash avait fini seulement, de mémoire, c'est pas plus que 4 à 5 points derrière nous au troisième rang là, de la Ligue. Là. Donc, c'était pas une série là, qu'on anticipait qu'elle allait être facile. Là. Non, non. OK. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette série-là? L'opportunisme qui a fait que aujourd'hui les optimistes, ben pas les optimistes, je parle toujours d'optimistes parce que c'est toujours, ça a été ça longtemps. Les Rapides se sont rendus en finale. Je te dirais, là, écoute, l'analyse qu'on a en fait, là, je te dirais notre jeu d'ensemble. Okay. Je te dirais là, que notre jeu d'équipe, là, notre système de jeu avec notre échec avant, la rapidité de nos jeunes. Prends l'exemple du dernier match hier qu'on a été remporté à Mastuyash. On a eu de la misère, on a vraiment dominé au niveau au chapitre des lancers et au filet. Okay. Donc, cette année, ça vient frustrant, mais les gars ont resté focus. Je appellerais ça une game de caractère. On était vraiment dans notre game. Là, pis, non, je te dirais qu'on est très satisfait de comment nos jeunes se sont comportés. OK. Là, comment tu vois ça, la finale? Là? Maintenant, on ne sait pas encore si c'est demain Chicoutimi ou Jonquière. C'est sûr que tu vas me répéter la même question. Je la connais déjà, ta réponse. On va focusser sur nous autres, puis on ne focusera pas sur l'équipe. Je la connais, la réponse. Mais comment tu vois ça pareil? Est-ce que tu aimerais mieux affronter les Saguenayens ou affronter les Marquis? Tu parles de deux excellents clubs, Danny Jonquière, ouais. Chicoutimi. Là, on peut le voir présentement. Si tu prends... Chicoutimi qui ont terminé avec une fiche, vraiment une fiche impressionnante à la fin de la saison. Puis les Marquis gardent présentement est en train de leur offrir une excellente opposition. C'est rendu au match ultime. Donc, c'est comment choisir. Tu peux pas dire, je vais choisir une ou l'autre. Garde, on s'attend à toute qu'une finale. Okay. Ça, c'est sûr et certain, ça va être une finale là, qui va être chaudement disputée. Mais de là à choisir, par exemple, là, c'est impossible. OK. Mais les Marquis, c'est quoi? C'est plus offensif, plus défensif? Les Saguenayens, plus offensif? C'est quoi? Deux équipes qui se rassemblent. Je te dirais que côté des les fiches impressionnantes de buts qu'ils ont fait cette année, les Sags, là, partaient beaucoup de la défensive. C'est une défensive qui est vraiment expérimentée. Là. Je te dirais que c'est la défensive de la Ligue, là, avec des joueurs, 5 défenseurs là, d'expérience. Là. Donc, pas beaucoup de chances de marquer, mais à l'inverse, relance les jeux rapidement. Donc, vraiment une excellente équipe de ce côté-là. À côté des Marquis, une équipe rapide. Je te dirais que c'est une équipe qui nous rassemble, les Marquis, au niveau du ratio première année, deuxième année. On est à un ou deux joueurs près là, d'avoir une équipe semblable à ce niveau-là. Des gardiens de but, des gros gardiens de but du côté des Marquis également. Non, je te dirais là, que ces deux clubs, là, ces trois clubs, je te dirais qu'on pourrait se ressembler. OK. Là, comment ça marche? Est-ce que tu souhaites avoir l'avantage de la glace? Si je ne me trompe pas, si c'est saigné, l'avantage de la glace va aller à Chicoutimi. Puis là, ben c'est sûr, c'est du bantam. Il n'y a pas de foule. Par contre, t'as le dernier changement. Ça reste toujours une certaine avantage pareil. Là. C'est ça. Hein, c'est que si jamais Chicoutimi gagne, la série, les premiers matchs vont être à Chicoutimi. Puis si c'est marqué, vous allez recevoir. C'est ça? Tu sais, Danny, l'autre jour, t'en as parlé de l'avantage de la glace avec Pascal. Tu viens de me dire encore la même affaire qu'il n'y a pas de foule. Oui, mais une foule, une foule comparable. Non, mais je veux dire, n'empêche que les jeunes, ils le savent. Quand t'es à la maison, ta famille est là, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, bien, si te placeront pas à Saguenay, t'as venir jouer dans un match, surtout en pleine semaine, un soir de semaine. Tandis que quand c'est local, ben ils sont là, ils le savent, les jeunes le savent que leur famille est là. Ça a un petit quelque chose de plus, là. Puis, tu sais, l'attachement, là... l'attachement là à notre arena, le fait de jouer local là, ben les jeunes s'en font parler à l'école par les autres jeunes aussi, les autres catégories, les gens du Pee-wee aussi, les jeunes du Pee-wee nous en parlent ainsi de suite à tombe. Fait que tu sais le veut pas ça a quand même une petite affaire là. C'est pas qu'une question de foule, c'est une question que t'es à la maison puis la petite adrénaline n'est pas pareille. À cet âge-là, il y a déjà, moi je le dis tout le temps, là, que si le hockey serait au niveau scolaire, dans les écoles, il y aurait un attachement encore plus davantage. Mais déjà, il y a un attachement pareil au club, même si c'est pas du hockey scolaire? Oui, moi oui, il y en a une, là. C'est Ouais, sûr et OK. certain qu'il y en a une. Oui, moi je suis OK. là-dessus, là. Puis l'importance, les gens qui viennent nous voir, on le sait, là, on le voit, on le sent, là. C'est vraiment apprécié, là, de tous les jeunes et de l'organisation. Là, ça va se transporter à Dolbeau, là, c'est ça, hein, puisque la glace de Mississini est fermée. Donc, les matchs vont être à Dolbeau, là, hein? Oui, il va avoir. Je peux pas te dire le ratio. Il va sûrement avoir un match à Normandin, là. OK. On s'est déjà fait. On s'est déjà. L'entente est déjà OK. à ce niveau-là. Je sais pas si c'est le prochain ou dans deux prochains, mais c'est sûr qu'il va avoir un match à Normandin. OK. Donc, tu m'as pas répondu à ma question. L'avantage à la glace, si Chicoutimi gagne, la série va être à Chicoutimi. Et si c'est Marquis qui gagne, la série va être dans le secteur, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Du côté de la préparation, d'ici à ce temps-là, ça va être quoi? Des pratiques? Écoute, oui, on a un entraînement demain. Demain à Dolbeau, on fait un entraînement là, pour peaufiner encore certains aspects du jeu. Pas un entraînement intense quand même, parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que la prochaine série va commencer. Ça va-tu être samedi ou seulement dimanche, là, on attend les informations, là. On attend surtout la fin du prochain match. Mais oui, un entraînement pour peaufiner certains aspects du jeu, là. Mine de rien, quand tu rencontres la même équipe, minimum 3 matchs en ligne, ben, il y a des ajustements qui se font de la part de ton adversaire. Fait que si, mettons, tu as un aspect du jeu que tu es dominant, ben, l'adversaire va s'ajuster. Fait que donc, faut répondre à ça puis à trouver des façons de s'en sortir. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire dans nos entraînements, là, prochainement. Okay. L'équipe a-t-il sorti avec beaucoup de blessures? Non, je te dirais, là, que c'est OK. quand même, on est quand même content, là, à part, là, comment je pourrais dire ça? Des blessures de guerriers, comme on les appelle, là, des block shots, les gars se sacrifient. Tu sais, les gars là, sont vraiment en mission. OK. C'est un mot qui est cliché, tu vas me dire, là, mais Ouais. tu sais, le hockey de série, c'est autre chose. Hey, en terminant, en parlant en dehors des ondes, la dernière année que les optimistes, parce que c'était ça, là, c'était pas les rapides, ça fait quoi? Ça fait 5 ans à peu près que ça existe, là, mais les optimistes, on peut remonter à 15 ou 20 ans, hein? Écoute, Danny, tu m'avais posé la question dernièrement, Hein? j'étais pas au courant, là. C'est sûr que C'est les anciens. c'est ça date de longtemps. À discuter avec les gens des fois, là, c'est un peu. C'est toi le premier qui avait Ouais. apporté ça. Les années Puis de vos après qu'on mascottes. a. Ben, c'est sûr, tu n'avais glissé un mot. Hein. J'en ai entendu parler à droite pas à gauche aussi. Puis je pense que tu t'es pas trompé, ben, mais je pense que ça faisait un petit bout là qu'il n'y avait pas eu une finale là, pour les Bantams du coin de Boom Sassini. Ouais. Ben bravo. Puis on va s'en reparler durant la série. Ben, ça me fait plaisir, Danny. L'instructeur-chef des Rapides de Boom Sassini, Luc.